Une nouvelle aventure. Tous réunis chez Gilles et Faustine ce soir-là, les cofondateurs du nouveau groupe alcoolique anonyme de Puy lui cherchent un nom. Alors, liberté, déjà pris. Espoir, déjà pris. Sérénité, déjà pris. Renouveau, déjà pris. Arrêtons-nous là. En fait, j'aimerais quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, intervient Marcel. Quelque chose qui parle d'introspection, répond Gilles. De remise en question, avance Katia, ou qui nous fait aller à la rencontre de l'autre pour nous retrouver en lui comme dans un... commence Faustine. Miroir ? Bravo Katia, c'est exactement ça. Je suis le miroir de l'autre, il est le mien, s'enthousiasme Marcel. C'est un très beau nom pour un groupe, je vais juste vérifier qu'il n'est pas déjà pris et on le confirme. On le mettrait au pluriel, interrompt Gilles. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que ce serait approprié, rétorque Faustine. Alors, adjuger pour miroir avec un S. Le lendemain, Marcel confirme que le nom est disponible et Faustine a juste le temps d'apposer le nom sur tous les documents officiels du groupe avant la première session. Les amis ont battu le rappel sur la place de Lausanne. La salle est à moitié pleine. Pour une première, c'est prometteur. On a décoré les tables, appliquer les principes sur les murs. 24 heures à la fois, l'important d'abord, appeler avant de boire, sans oublier la prière de la sérénité et les cendriers. Gilles a organisé une table en retrait pour servir café et thé. Il y a même des biscuits. Les tables forment un carré. Les amis sont assis tout autour. Les soupiraux sont ouverts afin de laisser échapper la fumée des cigarettes. En AA, on ne boit plus, mais qu'est-ce qu'on fume ? Par chance, dans cette salle, c'est autorisé. Gilles ouvre la séance. « Bonjour mes amis, je m'appelle Gilles et je suis alcoolique. J'ai le plaisir de modérer cette toute première séance du groupe Miroir et je vous remercie d'être venus si nombreux. » Puis il lit le texte d'introduction à la séance. « Alcoolique Anonyme est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Il termine avec « Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. » Je voudrais dédier cette séance au terme « miroir ». Qui souhaite prendre la parole ? Ils sont tombés justes. Beaucoup se retrouvent dans ce terme de miroir. Les partages sont profonds et multiples. La prochaine fois, on commencera à travailler sur les 12 étapes en partant de la première. Tous se réjouissent de remplir la boîte à outils qui leur servira dans tous les domaines de leur vie. Avant de terminer, Gilles rappelle que l'anonymat est essentiel et que rien de ce qui a été dit ce soir ne doit sortir de ces murs. Enfin, l'assemblée se lève et forme un cercle en se prenant par la main pour réciter la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Faustine rougit intérieurement. Elle supporte mal ce genre de démonstration publique, même si elle passe souvent pour une grande gueule. Elle reste timide et pudique. L'alcool ne la désinhibe plus. La pause café qui clôt la séance se révèle tout aussi riche en partage, plus individuel cette fois. Il n'est pas rare que les choses les plus importantes soient dites entre deux portes, juste avant de se quitter. Faustine, ne devant plus rentrer Fissa auprès de sa mère, prend le temps de converser et c'est bien agréable. Enfin, on remet les chaises en place, on vide les cendriers. On se retrouvera dans une semaine, même endroit, même heure. Subséquemment à l'ouverture de miroir, Gilles et Faustine se rendent pour la première fois à une réunion de l'intergroupe. C'est le bureau central qui gère l'ensemble des groupes. Tous deux désirent en faire partie et assurer la permanence téléphonique. Ils y sont très bien accueillis et étant donné que les autres membres ne se bousculent pas pour assurer le service en ce moment, ils se voient immédiatement transférer le numéro pour 2 mois. On leur rappelle les principes à respecter, les maladresses à éviter, la prudence à observer. Ne jamais se rendre seul à un rendez-vous nocturne, par exemple, mais toujours à deux. Le responsable de l'intergroupe prend bien le temps de leur expliquer en quoi consiste la responsabilité qu'ils vont prendre. Le couple acquiesce en silence. Il a compris. Commence alors pour les jeunes mariés une période palpitante. Faustine se compare au Starsky et Hutch de l'alcoolisme. La voiture rouge en moins. Il arrive qu'ils reçoivent plusieurs appels par soir. Les alcooliques appellent rarement quand ils sont sobres. Par contre, la nuit, ils se lâchent et, désinhibés, trouvent le courage de téléphoner pour demander de l'aide. En période de fête, les appels sont si nombreux que le couple ne regrette pas sa seconde ligne. Souvent, le film ou la soirée entre amis est interrompu par le téléphone. Ils procèdent alors à une douzième étape. Elle consiste principalement à transmettre le récit de sa propre expérience, y compris la manière dont on s'est sorti des griffes de l'alcool. Systématiquement, on propose à la personne qui se trouve à l'autre bout du fil de venir la chercher pour l'amener à une séance ouverte. Beaucoup acceptent sur le coup, mais peu concrétisent car, entre-temps, la peur ou la honte a repris le dessus. Il arrive aussi, et c'est plus rare, que l'appelant soit si mal qu'il supplie qu'on vienne le voir immédiatement. Quelle que soit l'heure, Faustine et Gilles se rhabillent et foncent à tombeau ouvert par les rues de la ville. Ils passent plusieurs heures à rassurer leur nouvel ami, à le convaincre de ne pas se suicider et à lui prouver, par l'exemple, qu'il est possible de se sortir de cet épouvantable piège. Enfin, leur mission accomplie, et s'il n'est pas trop tard, ils retournent se coucher. Mine de rien, c'est un sacerdoce. Mais Faustine et Gilles sont très heureux de s'y investir. Cela donne un sens à leur vie et consolide leur sobriété. Le vendredi soir, ils poursuivent les soirées porte ouverte spaghetti. Dans le fond, ils ne cessent jamais, ensemble et avec les autres, de se soigner. Jusqu'à fin décembre, Faustine travaille chez elle pour le Centre international de Glion. Madeleine est revenue lui apporter des fascicules à mettre en page. Ses exigences étant chaque fois plus pointues, il a fallu corriger, reprendre et modifier à nouveau, jusqu'à saturation. Parallèlement, ayant trouvé en Faustine une oreille attentive, elle en profite pour raconter sa vie de pauvre femme trahie, trompée et abusée par le monde et sa banlieue. Au bout de quelques visites, Faustine est à bout d'arguments pour la rassurer et la consoler. Ça ne fait rire personne, mais ça interpelle. Si la pauvre femme était au moins alcoolique, on pourrait céder des principes de base. Voilà qui serait pratique. Tant les préceptes AA s'adaptent bien à toutes les situations de vie. Un jour, enfin, la logorée finit par s'épuiser. Madeleine, ne recevant plus l'attention recherchée, espace ses visites, se contente de faire apporter et rechercher le travail par un coursier. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, on a d'autres chats à fouetter. Cette année, la veillée se fera chez les beaux-parents. Faustine ne comprend pas pourquoi ces derniers ne se laissent pas inviter. Elle aurait plaisir à les gâter un peu. Ils ont déjà tellement de travail au magasin. Pourquoi finir sur les chapeaux de roue, puis remonter appuyé pour encore se taper la préparation d'un souper de fête? Puis elle comprend que c'est à cause de l'agoraphobie de Myriam, sa belle-sœur. Il n'est pas question, bien sûr, de la laisser seule, surtout à Noël. Donc on se retrouve après la fermeture du magasin et on déguste un petit pâté en croûte et une salade de céleri en toute simplicité. Après quoi, on passe à la phase cadeau. Dans cette famille aussi, il semblerait que la profondeur de l'amour éprouvé soit significativement proportionnelle au prix du cadeau offert. Faustine s'est donc ruinée pour offrir à son époux le stylo Montblanc de ses rêves. Une folie au regard de leur budget de plus en plus serré. D'autant qu'elle ne l'a jamais vu écrire, même une simple lettre. C'est juste du snobisme dans le fond. De son côté, Gilles a exploré toutes les boutiques pour lui trouver un sac à main assorti à une paire de mocassins rouges. Sans doute une idée de sa chère maman. Plus bourge, tu meurs. Myriam, de son côté, a offert au couple deux places pour un concert de Keith Jarrett. Afin de s'éviter les corvées, papa et maman ont décidé de s'enfuir à la montagne. Faustine étant désormais recasée, ils estiment qu'ils peuvent s'épargner la fatigue des rencontres obligatoires, tant avec les enfants qu'avec les beaux-parents. Le 31 décembre, pour le réveillon, rien n'est prévu. Faustine chercherait bien quelque occasion de faire la fête, mais Gilles reste bloqué sur le canapé à regarder la télévision. Il a travaillé toute la journée, contrairement à Faustine. Il est fatigué. Heureusement, ce soir, le téléphone de la permanence AA ne sonne pas. Faustine a préparé un petit gueuleton dont on se contentera devant l'écran. Même les nanas du Lido n'arrivent pas à réveiller son époux. Il est vrai qu'il n'a jamais été hyperactif sur ce plan-là. Alors, par écran interposé, le premier de l'an, jour férié, Gilles semble atteindre de la même léthargie. Faustine n'y comprend rien. Il devrait faire l'amour jusqu'à 3 fois par jour à ce stade de leurs épousailles. Et puis non, cela fait des semaines qu'ils vivent comme frères et sœurs. Ils s'amusent bien, s'entendent à merveille, là n'est pas la question. Mais pour mettre un bébé en route, c'est pas l'idéal. Il n'empêche qu'à défaut de rester au lit, on peut s'occuper d'autres manières. Rester devant la télévision à journée faite n'est pas la meilleure pour Faustine. Finalement, menacé de soupe à la grimace, Gilles consent à une balade en voiture. Il choisit le beau pays de Gruyère. Ils rouleront 6 heures durant, sans s'arrêter, faute de moyens. Mais Gilles prétendra qu'il a rarement vécu plus beau premier de l'an.